Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. And roll, baby! WKIT HD Brewer Bangor and online at WKITFM.com. Et oui, ce matin, on quitte un instant Radio France et Paris pour nous rendre à Bangor dans le Maine, ville où réside Stephen King et où il possède trois radios dont vous venez d'entendre l'un des jingles. Prenez-le comme une annonce de cette semaine haute en couleurs, forte en horreur et en danse macabre. Tiens, Stephen King a un cadeau pour vous. Je ne parle pas français, mais j'ai un cadeau pour toi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. L'horreur, écrit Stephen King, est un genre extraordinairement souple, extrêmement adaptable, extrêmement utile. L'écrivain ou le cinéaste peut l'employer comme un bélier pour enfoncer une porte ou comme pince monseigneur pour crocheter un verrou. Les peurs qui se cachent derrière cette porte nous deviennent alors accessibles. Allez, on commence comme dans le livre Carrie, premier livre publié de Stephen King en 1974 et adapté au cinéma par Brian De Palma 2 ans plus tard, en rejoignant une classe de filles dans le vestiaire après la séance de sport. Chose, hein, dans ce vestiaire en une seule scène. Bonjour Guy Astic. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes directeur des éditions Rouge Profond, spécialisé notamment dans les ouvrages consacrés au cinéma, n'est-ce pas ? Enseignant en lettres et cinéma et donc fan de Stephen King, comment je le... Oui, depuis longtemps. Gamin, je lisais déjà beaucoup Stephen King. J'ai lu son épouvantologie qui m'a embarqué, qui est ça. Et je la lis assez régulièrement, les 1900. Donc ça, c'est CDIA, hein, c'est le titre du voilà, livre. Voilà, ouais. Hit. Et je la lis assez régulièrement, en même temps que Les Misérables, de Victor Hugo. Ah bon ? Oui, parce que pour moi, ce sont deux auteurs qui se ressemblent dans l'espèce de souffle qui nous emmène à la fois dans un monde réaliste, etc., et un monde halluciné. Hugo et King, pour moi, sont du même sang, du même rang. Et aussi, ce qui m'avait embarqué, c'était Stand By Me, le film de Rob Reiner, la chanson. Cette image d'enfants comme ça qui grandissent au cours d'un voyage parce qu'ils sont à la recherche d'un cadavre et quand ils reviennent ils sont plus les mêmes, et je trouve que c'est la force de Stephen King comme ça de nous accompagner avec des personnages, de nous mettre dans un itinéraire, une trajectoire, et quand on en revient, et les personnages et nous-mêmes ne sommes plus les mêmes. Ça veut dire que parler de Stephen King à partir du cinéma, des films qui ont été adaptés à partir de ces romans, c'est pas une mauvaise porte d'entrée. Non, absolument pas. parce qu'il y a de très très bonnes adaptations. Et puis King, de toute façon, l'écrivain le plus adapté, hein. Il y a presque 150 adaptations, en comptant les petites nouvelles qu'il donne, vous savez, aux jeunes étudiants, ce qu'il appelle les dollar baby, pour un euro ou un dollar symbolique, il laisse le texte et les jeunes étudiants peuvent faire des courts-métrages avec. Et ce n'est absolument pas une mauvaise porte d'entrée, parce que lui-même le dit, il a commencé quand il était gamin à écrire parce qu'il avait vu des films et que quand il rentrait chez lui, il les transposait en écriture, notamment La créature du lac noir, fameux film de Jack Arnold en 54. Et après, il avait commencé aussi à voir les films de Roger Corman adaptant Edgar Poe et il écrivait comme ça les textes qu'il voyait au cinéma. Il les renéotypait et il les vendait dans son collège et ensuite dans son lycée aussi. Donc il est toujours parti d'images, de films. Et lui-même, dans plusieurs entretiens, il le dit à plusieurs reprises, il se considère comme un story movie teller. Mm-hmm. C'est-à-dire que je traduis de manière approximative, mais dans beaucoup d'entretiens américains, il dit qu'il écrit pour le troisième œil du lecteur. Le troisième œil du lecteur, c'est celui qui projette des images. C'est de l'imagination. Voilà, l'imagination qui fait image, qui fait monstration. Donc c'est un auteur qui est du côté de l'horreur, qui peut être du côté de l'horreur suggérée, mais c'est un auteur du côté de l'horreur de la monstration, c'est-à-dire la porte ouverte. Et d'ailleurs, dès la première scène du film Carrie que nous venons d'entendre, mais aussi du roman Carrie, on est directement, alors dans l'horreur, je ne sais pas, mais on sent que quelque chose se passe qui n'est pas normal. Et pourtant, cette chose qui se passe, on peut la nommer d'emblée, c'est une jeune fille qui a ses règles. Oui. C'est quand même pas le comble de l'horreur, mais c'est filmé de telle manière dans le film de Brian De Palma où ça devient quelque chose, mais c'est le lieu d'une angoisse épouvantable. Oui, on pourrait passer presque toute l'émission sur cette séquence d'ouverture. Brian De Palma lui-même, c'était son 10e film, il sortait d'échecs, de Phantom of the Paradise, tout ça, et c'est un ami qui lui avait dit de lire ce roman qui était sorti en grand format, et il a été tout de suite accaparé par ce texte parce qu'il y a vu quelque chose de l'ordre, lui-même le dit, d'une puissance visuelle. Et la première des puissances visuelles, c'est la première séquence après le match de volley, qui est la scène de... Qu'on a entendu, ouais. Voilà, de la douche. Et là, Brian De Palma s'en donne à cœur joie, parce qu'à la fois, il nous embarque dans quelque chose qui pourrait être entre guillemets le fantasme mâle de se retrouver dans un lieu où, proprement féminin, etc. Il le filme un peu comme des nudies des années 1970. On voit tous les corps des jeunes filles nues. Elles se lavent, c'est extrêmement érotique, avec la musique de Pino Donaggio qui en rajoute. Et tout d'un coup aussi cet élément où on s'approche, la caméra s'approche du corps, des jambes galbées de Sissy Spacek, etc. Et à un moment donné, on voit couler le sang. Et là, on change littéralement de registre. Et c'est à la fois la force du texte et à la fois la force du cinéma de Brian De Palma de nous faire basculer dans un régime d'image comme dans un roller coaster où on passe comme ça de l'érotique à quelque chose d'inquiétant, mais une inquiétante étrangeté, c'est-à-dire une inquiétante proximité, c'est-à-dire que l'autre c'est le féminin, l'autre c'est celle qui a ses règles, et c'est quelque chose qui à la fois pour elle, Carrie, parce qu'elle n'a jamais été informée de cela, la propulse dans l'horreur, mais pour les spectateurs et notamment les hommes les propulse aussi dans quelque chose d'étonnant. Et la petite anecdote, c'est venu à l'esprit de Stephen King, cette séquence-là, parce que il faisait un petit boulot dans le high school de Brunswick, et avec le concierge, il était dans les vestiaires féminins, donc il observait ce qui pouvait être différent, et il avait vu deux boîtes comme ça au mur, et il dit, mais c'est quoi? En plus, on peut y accéder gratuitement, et de manière un peu vulgaire, mais je le dirai pas à la radio, le concierge... Personne ne vous écoute, ne vous en faites pas. Le concierge lui a dit que c'était des serviettes hygiéniques pour les femmes, et là, il s'est dit, s'ouvre à moi un monde de l'altérité que je ne connais pas, et je vais l'explorer. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Guy, que l'horreur pour Stephen King, je rappelle qu'il a écrit un livre qui s'appelle Anatomie de l'horreur, c'est l'altérité, vous le dites, et donc forcément le féminin, parce que là, on commence, premier livre publié, une fille à ses règles, on est déjà au comble de l'horreur. Oui. Ah ben, le féminin est très important pour lui, on y reviendra aussi, peut-être la figure de la mère est très importante, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il a cette part, et je pense qu'il ne faudrait pas faire un contresens avec Stephen King. C'est un grand écrivain de l'horreur, mais c'est un grand naturaliste. Il a enseigné la littérature. Il rappelle qu'il a lu énormément Dickens, Dreiser, notamment le roman naturaliste de Dreiser qui s'appelle Sister Carrie, 1900, un roman qui raconte comme ça une jeune provinciale qui va dans la ville de Chicago, je crois, et on la suit dans une sorte de roman d'initiation. Et chez Stephen King, il y a une volonté d'observer au plus près l'humanité. Alors l'humanité, ça peut être la féminité. Une des altérités qu'il observe énormément, c'est l'enfance et l'adolescence. C'est aussi la vieillesse. Enfin, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va aller sonder, à mon sens, l'humanité dans ce qu'elle a à la fois de commun, de ce qui nous est commun, donc du coup cette familiarité, mais aussi de tous ces moments où ça dérape, inexorablement et on ne peut plus rétablir les choses. Et ça, je crois que c'est ce qu'il explique bien dans le processus de la danse macabre. Parce que la danse macabre, il explique bien dans ses pages, c'est une virevolte. C'est à la fois, on fait des mouvements qui sont harmonieux, mais par moments, on peut déraper, on peut perdre le mouvement. Et tout le problème, c'est de retrouver l'équilibre. Donc, ces romans sont par moments des romans qui remettent en place le statu quo familial, statu quo social, statu quo politique. Mais aussi, la plupart du temps, on ne retrouve pas ce statu quo. Alors, on va entendre tout à l'heure un extrait, justement, dans lequel Stephen King décrit ce qu'est cette danse macabre. C'est vraiment un concept hein, pour lui qu'il a fignolé et fabriqué de toutes pièces. Mais avant cela, parce qu'on a l'image aujourd'hui de Stephen King comme étant l'auteur multi-best-seller, il a vendu plus de 350 millions d'exemplaires dans le monde entier. Mais là, on parle de Carrie, premier roman publié à l'époque. Stephen King, c'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce manuscrit a failli finir à la poubelle. Écoutez. Et c'est un de mes souvenirs les plus vifs. J'avais écrit 8 pages et c'était censé être une nouvelle parce qu'à l'époque, c'était là où il y avait de l'argent pour moi. On n'avait pas d'argent. Je travaillais dans une blanchisserie et là, de temps en temps, je publiais une petite nouvelle. Vous savez, je publiais dans des bouquins, dans des magazines de cul, quoi, oui. Avec la fille à poil au milieu. Quoi. Oui. Cette nouvelle, elle était dure, c'est difficile d'écrire au sujet de filles et de ce qui se passait dans les vestiaires des filles et tout ça. Et puis, vous savez, le monde des petites filles et des jeunes filles est secret, c'est un secret pour les hommes. Donc je l'ai jeté. Et ma femme est venue dans mon bureau, elle a vu ces papiers comme ça, froissés, dans la poubelle, couverte de cendres de clope, et puis elle les a sortis, elle les a repassés, elle a lu l'histoire, et j'ai pu voir le petit sourire sur son visage. Elle a dit, Steve, c'est pas si mal que ça. Je dis, ouais, d'accord, mais je sais pas comment terminer. Elle a dit, je vais t'aider. See, the whole thing just made me want to take her and shake her, too. You know what I mean? Mm-hmm. It was just her period, for God's sake. Well, we'll send her home. Miss Finch, you're sending Cassie Wright. It's Carrie White. Approchez, Cassie. Carrie. S'il vous plaît, Mademoiselle Finch, apportez-moi un bulletin de sortie. Et ma petite Cassie, vous allez partir tout de suite. Et rentrez chez vous. Vous serez beaucoup mieux à la maison. Nous regrettons tous cet incident, Cassie. Je m'appelle Carrie. Merci. Voulez-vous aller à l'infirmerie ? Vous allonger un moment ? Non, je crois que ce n'est pas la peine. Je peux vous faire accompagner. Ou vous faire appeler un taxi. Elle peut très bien rentrer à pied. Vous êtes dispensé de gymnastique pendant une semaine. Vous irez en étude à la place, d'accord? Nous regrettons ce pénible incident, Cassie. Carrie! Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, anatomie de l'horreur à l'écran par Stephen King cette semaine. Aujourd'hui, on parle de son premier roman publié, Carrie. et l'adaptation cinématographique de ce roman par Brian De Palma, dont vous venez d'entendre un second extrait, en compagnie de Guy Astic. Pourquoi Guy Astic, le proviseur du lycée, n'arrive-t-il pas à dire Carrie et il l'appelle Cassie? Ah, il faut remonter juste à l'extrait d'avant. Donc, il jette son manuscrit, il reprend grâce à sa femme, et il va envoyer cette nouvelle à Doubleday, qui retient. Mais Doubleday lui demande de faire un roman. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le texte et son modèle, il y a deux modèles. Son modèle, c'est Dracula, 1897 de Bram Stoker, parce que si vous connaissez le Dracula, c'est fait d'une constellation de textes, de journaux, de lettres, etc. Lui, ce qu'il va rajouter, ce sont des journaux, des lettres, des coupures de journaux, etc. Et mêler la petite histoire avec la grande histoire. Mais l'autre modèle aussi, et là je vais revenir du coup à cette séquence, c'est le Frankenstein de Mary Shelley. Là aussi, une sorte de fiction qui ressemble à la créature elle-même du docteur Frankenstein, c'est-à-dire qu'elle est rapiécée, cette fiction. Et la séquence que l'on vient d'écouter, elle est géniale, parce que Cassie, elle est énervée par le fait qu'il ne la nomme pas comme il faut, ce proviseur. Carrie, vous voulez dire. Voilà, exactement. Ah. Je viens de faire le lapsus moi-même. Mais oui, c'est ça, attention. Ouais. Donc Carrie est devenue Cassie. Et ce proviseur qui, dans le roman, on disait, Stephen King écrit, il essayait d'avoir le comportement paternaliste d'un John Wayne. Ouais. Là, il la nomme mal, mais c'est exactement ça, fondamentalement. Carrie est une anomalie, c'est-à-dire elle est mal nommée, mais c'est aussi une anomalie à la fois par rapport à elle-même, parce qu'elle ne sait pas ce que sont des règles à l'âge de 16 ans, mais une anomalie par rapport à la communauté qui l'entoure. Et elle est mal nommée exactement comme la créature de Frankenstein. Si vous rappelez dans le roman de Mary Shelley, la créature, et c'est très romantique, c'est très beau, elle reproche à son créateur de lui dire « tu n'as même pas pris le temps de me nommer ». Et là, toute cette séquence nous montre véritablement cette idée que Carrie n'appartient pas à ce monde-là, n'a même pas, on retient même pas son nom, elle n'a pas sa place, elle est une anomalie, et elle est en plus coincée entre deux temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas de son temps, puisqu'elle vit avec sa mère bigote, etc., dans un temps ancien avec des préceptes anciens. Et en même temps, elle voudrait être de son temps, qui est le temps de la jeunesse, à participer à ce bal, etc. Et elle est en même temps aussi rivée à une force qui vient de beaucoup plus loin, immémoriale, qui est sa télékinésie. Et l'autre force immémoriale qui vient de beaucoup plus loin, c'est le sang. Donc il y a comme ça dans le roman deux sources qui vont faire éclore une sorte de fantastique presque mythique mythologique qui est le lien du sang et ce lien extraordinaire au sens fort du terme qui est la télékinésie voire la télépathie parce qu'elle on s'aperçoit et dans le film et dans le roman qu'elle peut aussi jouer de ce que Brian De Palma disait, elle a des mains mentales. Et donc, comment le cinéma peut figurer les mains mentales? Ça, c'est magnifique. C'est un vrai défi au cinéma. Et je trouve que Brian De Palma s'en tire extraordinairement bien. Oui, parce que ce qu'on n'a pas entendu dans ces deux premiers extraits, enfin, si les plus attentifs des auditeurs l'auront peut-être entendu, c'est qu'il y a eu ces phénomènes extraordinaires. Dans le premier extrait, dans le vestiaire, à la fin, on entend l'ampoule qui claque. Et au fait, c'est Carrie qui le fait elle-même avec sa force mentale, ses mains mentales. Et chez le proviseur, à la fin, comme elle est très agacée parce qu'il l'appelle Cassie sans cesse, elle va faire tomber le cendrier qui est devant ses yeux. Et en fait, à ce moment-là, ce qui est très bien fait, c'est que le spectateur découvre son pouvoir en même temps que Carrie elle-même. Absolument. Dans le roman, c'était plus amené, parce que dans le roman, il y a une petite séquence au début où elle est petite et elle fait tomber des pierres du ciel. Brian De Palma, je pense de manière judicieuse, a resserré tout cela. Il a évité les flashbacks. On voit que Carrie est désarçonnée par, évidemment, ses règles, mais aussi par quelque chose, cette puissance qui monte en elle, parce que ce changement d'état féminin va être en quelque sorte aussi le point de départ de son changement d'état monstrueux, entre guillemets. Les monstrues conduisent aux monstres, finalement. Et elle va s'apercevoir que son pouvoir qu'elle avait effleuré devient de plus en plus puissant. Mmh. Et dans le film, c'est bien fait, parce que c'est par petites touches au départ. Et puis au fur et à mesure, ça va grandir. Parce que juste après la séquence que l'on vient d'entendre, elle fait tomber de vélo un petit garçon. Rien qu'en le regardant, parce qu'il lui dit encore, il se moque d'elle, comme tout le monde se moque d'elle, puisqu'elle est le bouc émissaire de cette ville et de ce lycée. Alors il y a deux choses qui vont permettre de faire basculer la situation. Il y a effectivement le rapport à ces sortes de pouvoirs magiques qui ne sont pas présentés comme tels. Hein. Finalement, ils sont présentés comme des phénomènes certes paranormaux, mais qui peuvent arriver. Et la religion, qu'on va retrouver dans beaucoup de livres de Stephen King. Il faut qu'on fasse un petit détour pour aller rencontrer la mère de Carrie. Un personnage absolument incroyable qui vit recluse chez elle, qui vit dans le péché, qui envoie Carrie dans son placard pour prier dès qu'elle fait quelque chose qui sort un peu de ce qu'elle lui avait demandé de faire et qui est complètement fanatique, hein, religieuse. Est-ce que ça veut dire que pour Stephen King, l'horreur est forcément du côté du diable ? Voici la réponse de Stephen King et puis la rencontre avec la mère. J'ai jamais rien écrit au sujet du diable en tant que tel. Je suis certain qu'il y a quelque chose dans nos âmes, à nous, qui aime la violence, la terreur, le mal. Et chacun d'entre nous a fait un moment ou un autre quelque chose de très méchant. Et c'est ça le diable en nous. Mais un vrai diable avec des petites cornes, une petite queue, non, je pense pas, là, non. Well, please say that I've got to start to try and get along with people better. What are you going out about, Carrie? I've been invited to the prom. Invité au bal? Le bal de l'école. Tout le monde y va. Tout le monde à l'école trouve que je suis bizarre. Et moi, je veux être normale. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie. Il s'appelle Tommy Ross, il est gentil, c'est un très gentil garçon. Non. Il viendrait me chercher à la maison en voiture et il me raccompagnera à minuit. J'ai accepté, non, maman. Non. Je ne peux plus dire non maintenant, j'ai accepté. File dans ton placard. Non. Va faire pénitence et demander à Dieu le pardon de tes fautes. C'est un gentil garçon, maman. Il te plaira, je suis sûre qu'il te plaira beaucoup. Le mal. Les hommes, des bêtes, oui, des bêtes. Après qu'elle ait vu le sang, elle veut le mal. Elle se tortille comme une chienne en chasse devant des chiens tremblants sur leurs pattes qui viennent la renifler en bavant, l'écume dégoulinant des babines. S'il te plaît, maman, assieds-toi. Fermez les volets. Maman, laisse les volets tranquilles, je t'en prie, assieds-toi, écoute-moi. Sorcière qui a hérité du pouvoir de Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan, maman. C'est moi. Moi, en me concentrant, je réussis à déplacer les choses. Satan est rusé. Non, maman. Il t'emportera comme il a emporté ton père. Mon père t'a quitté, maman. Le démon l'avait tenté. Il est parti avec une femme et tout le monde le sait. Il faut que tu renonces à ce pouvoir maléfique. Promets-moi de ne jamais l'utiliser. J'irai au bal, maman. Tu ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est plus la peine d'en parler. C'est le moment où le film bascule, guillastique, parce que Carrie s'impose. Elle sait dire non à sa mère, alors qu'on voit que ça fait 16 ans qu'elle est complètement soumise à la folie fanatique de sa mère. Et elle lui dit bien, elle dit « Mais non, je suis pas une sorcière et je suis pas Satan, je suis moi, je suis Carrie. » Et c'est la naissance à elle-même de ce personnage, c'est ça qui est bouleversant. Et c'est d'autant plus bouleversant qu'elle naît à elle-même et elle naît à sa monstruosité aussi. Et donc c'est complexe parce que elle dit j'essaye d'être une fille comme les autres, mais tu vois j'ai aussi ce pouvoir et ce pouvoir c'est aussi ce qui va l'exclure des autres. Mais j'aimerais revenir aussi sur le personnage de la mère, Margaret White, qui est incarnée par Piper Laurie, qui a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle hein, pour ce. Elle est démente, c'est le cas de le dire. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Elle est démente et c'est qui est très intéressant, c'est qu'elle elle représente vraiment le principe du mal absolu dans la négation de la maternité, tout ça. Dans le roman, c'était expliqué qu'elle avait déjà fait une première fausse couche, qu'elle parlait du cancer de ses organes féminins, etc. Et que là, elle a été obligée d'enfanter seule cet enfant. Mais c'est aussi une chose qui traverse toute l'œuvre de Stephen King, qui est comment la génération des parents fait subir du mal aux enfants. Fait que cette génération transforme sa progéniture véritablement en victime sacrificielle ou expiatoire, mais on l'a constamment on l'a souvent avec des personnages qui ont des dons qui je pense à la petite Charlie par exemple avec un une sorte de pseudo-père qui va s'occuper d'elle, mais qui la manipule. Les enfants qui sont manipulés dans le Dr. Sleep, la suite de Shining, par ces sortes de forces comme ça qui puisent leur vitalité. Donc il y a de la part de Stephen King une sorte de constat ou de vision assez sombre via la religion au passage d'une sorte de sacrifice comme ça d'une génération. Est-ce que ça vient du fait que lui il est venu à lui-même en tant qu'écrivain dans les années 60, donc dans la génération des baby boomers. Mm-hmm. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Ceux qui sont venus après la déflagration, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, qui a dû trouver sa place, notamment aux États-Unis, qui a traversé plusieurs catastrophes, et où on a envoyé la jeunesse se faire tuer à la guerre du Vietnam ou autre. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, chez Stephen King, de sacrifier la jeunesse. Et Carrie, à ce moment-là, s'impose, elle doit s'imposer, mais le seul moyen qu'elle aura de s'imposer, ce sera par la violence. Elle impose à sa mère, on le voit dans le film, elle lui interdit les choses, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le film bascule. On sait que ça va être une opposition violente entre les deux. Dans le roman, c'est dit à un moment donné, hein, quand elle revient du bal, où elle a fait ce qu'elle a à faire, on reviendra. On y viendra, ouais. Elle dit, maman, tu sais que je suis venue te tuer et je sais que tu veux me tuer. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'inexorable qui va se passer et on est dans une forme de tragédie, d'issue qui sera celle de la mort pour l'une et pour l'autre. Et on est dans quelque chose à ce moment-là, il me semble, dans ce choix-là qui est fait d'une bascule irrémédiable qui se produit très souvent dans les œuvres de Stephen King, absolument très souvent. Quelque chose, on peut pas faire machine arrière, et donc on revient avec cette image de danse macabre dans l'idée que le macabre va l'emporter et faire en sorte qu'on ne peut pas rétablir l'équilibre. Alors justement, écoutons ce texte sur la danse macabre. On le trouve dans le livre de Stephen King qui s'appelle Anatomie de l'horreur. S'il y a bien une vérité concernant la danse macabre, c'est la suivante. Les romans, les films, les dramatiques télé et radio, et même les bandes dessinées, qui relèvent de l'horreur, fonctionnent toujours sur deux niveaux. Le premier est celui du haut-le-cœur pur et simple. Cette tactique peut être employée avec divers degrés de finesse artistique, mais elle est toujours présente. Mais il existe un autre niveau, beaucoup plus puissant, où l'horreur peut être comparée à une danse, une quête dynamique et cadencée. Et l'objet de cette quête, c'est le lieu où vous-même, lecteur ou spectateur, vivez à votre niveau le plus primitif. L'œuvre d'horreur ne s'intéresse pas aux meubles civilisés de notre vie. Elle traverse en dansant les pièces que nous avons soigneusement meublées et décorées, et dont chaque élément exprime, du moins l'espérons-nous, notre personnalité socialement acceptable et plaisamment éclairée. L'œuvre d'horreur cherche un autre lieu. Une pièce qui ressemble tantôt à la tanière secrète d'un gentleman victorien, tantôt à la salle des tortures de l'Inquisition espagnole. Mais, peut-être plus fréquemment, à la caverne fruste et mal dégrossie d'un homme de l'âge de la pierre. Un bon récit d'horreur vous atteindra au centre même de votre vie et trouvera la porte secrète de la pièce que vous croyez être le seul à connaître. Je pense que c'est là qu'est la véritable danse macabre. Dans ces moments remarquables où le créateur d'une histoire d'horreur réussit à unir le conscient et le subconscient grâce à une idée puissante. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle de Stephen King cette semaine, ses romans, mais aussi les adaptations cinématographiques tirées de ses romans aujourd'hui. Carrie, ou le bal, comment c'est en français le titre guéastique? Ou le bal du diable, le bal du diable. Alors que c'est pas le titre anglais du tout. Non, du tout. Et d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, Stephen King disait que lui-même ne parlait jamais directement du diable, à voir si vraiment il a raison. En tout cas, ce qu'il y a de vraiment fascinant dans ce texte, Anatomie de l'horreur, il fonctionne comme un bijou, comme un trésor, parce que Stephen King va lui-même nous donner les clés pour comprendre l'horreur qu'il met en scène dans sa littérature. C'est extraordinaire. Oui, et puis dans cette image de danse où on passe d'une pièce civilisée à la caverne fruste, il donne une dynamique qui est profonde dans son anatomie personnelle de l'horreur, mais qui est profonde aussi dans l'horreur cinématographique des années 70 dans laquelle apparaît Carrie. C'est-à-dire que dans les endroits les plus civilisés, les plus sophistiqués, à un moment donné, on va faire apparaître quelque chose qui vient du primitif, de l'immémorial, de plus profond. Et on va renverser l'ordre des choses. Mais si on remet Carrie, donc 76 dans la continuité, 73 vous aviez l'exorciste, 75 vous aviez les Dents de la Mer, après un peu plus Damien, tout ça, 78 Halloween, où les Américains ont commencé à fermer leurs portes de leur petit quartier, picket fences, les petites barrières blanches, tranquilles, etc. Et Stephen King participe de ce mouvement-là. C'est-à-dire que la puissance, à mon ami, horrifique, c'est de faire surgir au cœur même de quelque chose qui est de l'ordre du statu quo social, sociétal, les pulsions, les basic instincts qui viennent de beaucoup plus loin et qui peuvent croiser aussi des imaginaires de mondes anciens, très anciens. N'oublions pas que Stephen King, l'une de ses références, c'est Lovecraft. De mondes imaginaires plus larges, plus engloutissants que notre monde à nous. Et du coup, l'humanité s'avère être toute petite, etc. Et le pouvoir de Carrie est immense. Dans le film, pour des raisons budgétaires et parce qu'il a voulu resserrer sur le bal, il ne fait que le bal, mais il faut se rappeler que dans le roman, elle tue 200 personnes. La ville de Chamberlain, dans le Maine, qui est une ville fictive, mais qui est quand même dans le Maine, est complètement, quasiment rasée de la carte. On dit même que le 27 mai 79, donc le soir du massacre du Prom Night, c'est l'équivalent du 22-11-63 en termes de traumatisme états-unien. Dans le roman, c'est dit comme ça, avec des coupures de journaux, etc. etc. Donc quelque chose qui renverse la donne, et avec l'idée que le monde ne peut plus se regarder comme avant. Et d'ailleurs, le roman se termine avec une petite lettre en 1988, parce que le roman, il est futuriste. Il est publié dans les années 70, mais on termine dans le roman en 1988, où là, on a une autre petite fille qui fait bouger à distance des billes, tout ça, et on se dit que l'humanité n'a qu'à bien se tenir, parce qu'il y a d'autres personnages comme ça qui sont doués de pouvoir et qui peuvent peut-être renverser non seulement un quartier, non seulement une ville, mais la Terre tout entière. Et ça, ce sont les deux niveaux que distingue King dans le texte. D'un côté, le haut le cœur, c'est regarder les images qu'on pourrait qualifier de gore. Et de l'autre, cette danse qui est beaucoup plus archaïque, comme vous le dites, Guy Hastie, qui fait jouer avec notre subconscient. Au fond, c'est ça, avec ces pulsions qui nous dépassent largement. Ouais, qui nous dépassent. Et parce qu'il veut toucher aussi une autre forme de sensibilité. Je crois que, en tant qu'écrivain, et c'est, au niveau du style, il faudrait faire une étude du style de Stephen King, mais si vous le lisez, il a énormément de métaphores, de comparaisons, etc. Parce qu'il veut essayer de toucher du doigt des sensibilités autres. J'avais noté, je peux vous lire, j'avais noté une citation concernant les enfants, où il disait que pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur des émeraudes, le bleu d'un ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace, le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique, et le noir est plus noir, beaucoup plus noir. Donc il essaye en permanence d'aller chercher des couleurs d'une intensité autre. Et c'est cette intensité dans l'horrifique qui fait son prix et qui fait qu'il s'est imposé comme un écrivain incontournable. Alors l'enfance, ça c'est sûr, et surtout quand on veut parler de l'horreur, finalement s'atteler ou s'attaquer au domaine de l'enfance, c'est comme s'attaquer au domaine du sacré. On est sûr qu'on va toucher et réveiller des pulsions en nous qui sont les plus terribles et les plus protectrices également. Mais il y a l'adolescence aussi. Carrie, c'est quand même un film d'adolescence. On est dans le teen movie, non? C'est un teen movie, oui. Un teen movie perverti. un teen movie où elle est en train de changer d'état, elle ne sait pas ce en quoi elle est en train d'être changée. Alors ce qui est très bien en plus de la part de Brian De Palma, quand on regarde le film, on est étonné parce que c'est un film qui s'ancre dans les années 70, mais il ressemble avec un film des années 50, de teen movie des années 50. On pense à La Fureur de Vivre, Rebel Without a Cause, ou Travolta, nous fait penser à du James Dean, etc. Alors ça vient du fait que presque Brian De Palma a grandi, lui, dans les années 50, etc. Mais je pense qu'il est en train aussi de montrer que dans ces deux décennies d'écart, les années 70, les années 50, la même chose est arrivée aux adolescents qui devaient se battre pour s'imposer dans un monde qui ne leur laissait pas de la place. Mm-hmm. Et y a toujours cette idée-là d'un monde adulte ou d'un monde social, public, etc., qui étouffe des revendications ou des velléités adolescentes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de l'ordre de l'amitié ou autre. Et c'est pour ça aussi, c'est intéressant, le personnage de Sue Snell, celle qui à la fois semble faire amende honorable parce qu'elle va donner son petit copain comme cavalier. Alors racontons l'histoire quand même. Voilà. Donc Carrie, au début du film, se fait rejeter par sa classe entière parce qu'elle découvre qu'elle a ses règles, et comme sa mère est vie coupée du monde, elle lui a jamais expliqué ce que c'était que les règles. Donc Carrie pense qu'elle est possédée vraiment par le diable. Elle montre le sang et donc les filles se moquent d'elle. Et le personnage de Sue dans la classe de Carrie va essayer de lui venir en aide de manière assez troublante. Le spectateur ne sait pas si elle veut lui venir en aide ou en fait lui jouer un tour encore pire, mais elle va demander à son compagnon de l'accompagner au bal, le fameux bal, le prom, qui est la fête de fin d'année en high school, au lycée américain. Et donc Sue est ce personnage, en tout cas dans le film, dans le livre c'est un peu plus explicite, mais dans le film on ne sait pas de quel côté elle se trouve, et elle incarne cette espèce d'ambivalence adolescente, mais qui pourrait plutôt faire basculer du côté du bien, c'est ça? Absolument, incarnée par Amy Irving. Elle est la bonne conscience, on va dire. Celle qui a participé au jeter des tampons, des serviettes hygiéniques au début, qui a été horrible, comme une sorte de lynchage de leurs camarades, et qui ensuite, par mauvaise conscience et pour réparer sa faute, y a bien cette idée-là de réparer une faute, demande à Tommy, son petit copain, d'accompagner Carrie. Mais là, c'est de la part de Stephen King et repris par Brian De Palma, c'est bien montré dans le film, elle ne peut pas réparer complètement la faute. Et ça va aboutir à ce final incroyable, suite à la catastrophe, où elle va littéralement exploser ce lycée au moment du bal. Elle revient sur ce moment sur la tombe de Carrie. Si vous regardez bien dans le film, il y a une drôle de démarche de sa part, parce que les images ont été tournées à l'envers. Mais vous allez un peu vite, là, vous êtes déjà à la fin du film. Vous voulez pas qu'on aille au bal d'abord ? On va d'abord au bal. Allons au bal. Alors, donc Tommy a invité Carrie au bal. On se demande ce qui va se passer, mais en parallèle, on a vu des images assez étranges où une autre, je crois qu'elle s'appelle Christine, une fille de sa classe, qui elle veut vraiment se venger contre Carrie, accompagnée de John Travolta, dont c'est l'un des premiers rôles à l'écran, je crois, si ce n'est le premier. On les voit tout le long du film. Aller tuer un cochon, déjà idée bizarre, récolter son sang, le mettre dans un seau, disposer le seau au-dessus de la scène, et on comprend que tout est fait pour truquer l'élection du meilleur couple du bal, de manière à ce que Tommy et Carrie l'emportent et à ce que ce seau de sang se répande sur la scène. Écoutez. Mesdames et messieurs, nos grands gagnants de ce soir sont Tommy Ross et Carrie Wah. Sorry, pense que par exemple l'art, fascinant, traite de l'abject. Il y a un côtoiement permanent entre l'abjection et le plaisir esthétique. Ce sont des régions en effet qu'on est tenté d'écarter, alors que je pense qu'il faut les regarder en face, sans quoi on passe à côté d'expériences vitales fondamentales quand on ne laisse pas au sacré les récupérer. Bon, là, elle est en train de tous les tuer, hein, Biastik, tout simplement. Donc, elle s'est retrouvée sur scène. Vous avez entendu le sang qui s'est répandu sur sa tête, sur son corps. C'est d'une cruauté extrême parce qu'en fait, avec elle, on était aux côtés de Carrie et on y croyait. Elle était enfin devenue populaire. Elle venait de gagner le prix là, avec le plus beau mec du lycée. Tout se passait bien pour elle et on savait que ça allait se retourner contre elle. C'est extrêmement cruel, même pour le spectateur. On passe du conte de fées. Eh bien, au retour du sang, le voici, le sang est sur scène. On entend la voix de sa mère qui lui avait dit « Mais tout le monde se moquera de toi, tout le monde se moquera de toi. » Et elle a question de savoir « Mais pourquoi est-ce qu'on regarderait ce genre de scène au cinéma ?» Vous avez entendu la voix de Julia Kristeva qui le disait. Elle disait « Mais finalement, l'abject, ça fait partie de nous. Et finalement, le rôle de l'art, c'est aussi de nous mettre face à cet abject, qui est pour Kristeva d'ailleurs indissociable du rôle de la mère. » Je vous laisse creuser ça. Et ça explique aussi pourquoi on peut prendre... Assumons-le, oui, un certain plaisir à regarder ça. C'est très bien choisi l'extrait Kristeva sur les pouvoirs de l'horreur et l'abject et autres. Et il y a deux choses dans cette séquence. C'est à la fois ce que vous dites sur l'extrême cruauté, l'extrême viscéralité de ce qui se passe avec le sang qui coule. Elle est transformée littéralement en gorgone, en méduse, couverte de sang. Et elle va à distance orchestrer une mise à mort dans ce lycée qui est devenu une sorte de boîtes, de torture, etc. Et de la part de Brian De Palma, c'est aussi un immense moment de cinéma qui est resté dans l'histoire du cinéma comme incontournable, même si lui regrette d'avoir utilisé ce qu'il appelle le split screen, l'écran partagé à ce moment-là. Oui, il le regrette, mais bon, nous ne le regrettons pas. Il trouve que c'est devenu peut-être une figure de style un peu trop facile pour représenter cela, alors que ça va très bien avec ce qui a été écrit à ce moment-là dans le texte. Il y avait marqué « tourbillon d'images kaléidoscopique ». Ben, comment vous voulez transposer un tourbillon d'images kaléidoscopique si vous n'avez pas des écrans partagés? Donc je trouvais que c'était une bonne solution. Vous avez un dispositif audiovisuel sensorimoteur extraordinaire à ce moment-là, qui fait que cette séquence, elle est rentrée directement dans les annales du cinéma, parce qu'on suit tout le moment avant que ça explose, la caméra suit le fil qui nous amène jusqu'au saut, on revient, etc. Et on est relayé par les regards de ceux qui s'aperçoivent de l'imminence de la catastrophe. Et ensuite, il y a la catastrophe elle-même qui survient. Et ce moment, c'est très très lent, il faut le dire quand même. C'est une séquence qui dure un quart d'heure. Ils ont mis une semaine à la tournée, presque 6 semaines de montage. C'est une séquence qui est opératique au sens fort du terme qui impose Carrie comme une sorte de divinité. Je parlais de Méduse, mais il y a un peu de tout ça, de divinité du mal. Sa robe blanche, elle est devenue une traîne rouge, elle va sortir de là, je sais pas si vous vous souvenez, avec les portes qui s'ouvrent toutes seules, le feu derrière elle, et elle va aller dans les rues, lentement, comme si elle avait littéralement, à ce moment-là, basculé de l'autre côté, du côté de la force du mal. Et du côté de sa mère, c'est ça qui est terrible, elle venait de s'en libérer, et au fond, ce qui vient de se passer donne raison à sa mère. À sa mère, exactement. Elle revient chez elle, elle prend le bain, encore une fois, cette fois, c'est pas la douche, c'est le bain, parce que pour la petite histoire, la mère n'a pas de douche parce qu'elle trouve que c'est immoral, il faut des baignoires. Et quand elle sort de la baignoire, vous avez ce moment où la mère la prend dans ses bras en disant, tu vois, j'avais raison, etc. Donc, on peut penser à une sorte de pardon, mais nous, on voit aussi qu'elle a un couteau. Et pourquoi la douche est-elle immorale à la mer? C'est, pour la mer, c'était l'idée que la douche, on expose tout son corps, etc., de manière nue, et c'est dit dans le roman. Et par contre, dans la baignoire, on s'immerge dans l'eau, et on peut, à ce moment-là, cacher son corps. Oui, puis il y a un jaillissement dans la douche qui ne doit pas lui plaire. Voilà, exactement. Donc, on a ici ce moment où elle revient chez elle. Il y a une sorte de moment d'effet, entre guillemets, de pardon, mais auquel, déjà, en tant que spectateur, on ne croit pas, parce qu'on est en avance sur le personnage. On voit que la mère a un couteau, et vous avez ce moment de l'enlacement mère-fille qui nous fait gravir encore un échelon de plus de l'horreur. Parce que là, on vient de quitter une horreur monstrueuse, collective, mais là, ça va être un infanticide et un matricide. Donc on a basculé, vous parliez de Kristeva, on a basculé vers de l'horreur sacrée à ce moment-là, et on est au sein du tabou. Margaret White avait pu sentir réellement le pouvoir du démon s'exerçant sur Carrie. D'abord le sang, ensuite le pouvoir, maintenant un garçon, un bal. Et ensuite il l'entraînerait dans un de ces mauvais lieux, le long de la route, il l'entraînerait dans un parking, puis sur le siège arrière. Et là, le sang frais. Le sang était toujours à la racine du mal, et seul le sang pouvait expier. La seule façon d'effacer le péché, le sombre et terrible péché, c'était de le noyer dans le sang. Sûrement Dieu le comprenait et l'avait désigné du doigt. N'avait-il pas lui-même ordonné à Abraham d'aller immoler son fils Isaac au sommet de la montagne? Elle se rendit dans la cuisine, entraînant les pieds dans ses vieilles pantoufles éculées, et ouvrit le tiroir aux instruments de cuisine. Le couteau à découper était long, acéré, et la lame incurvée en son centre à force d'affûtage. Elle s'assit sur le haut tabouret près de l'évier, prit la pierre à aiguiser dans son étui d'aluminium, et se mit à la passer le long de la lame luisante, avec la tension morne et figée des damnés. J'aurais dû me tuer quand il a pénétré en moi. La première fois, c'était avant notre mariage. Il avait promis de ne pas recommencer. Mais le péché était en lui. Le péché ne meurt jamais. Et il m'a prise. Il m'a prise. Comme une brute, au milieu de la chambre, dans cette odeur de vinasse. J'ai aimé ça. J'ai aimé ses caresses écœurantes et ses mains qui fouillaient ma chair. J'aurais dû te confier à Dieu quand tu es venue au monde. Prions, ma fille. Oui. Prions. Pour la dernière fois, prions. Son père a gagné que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La mère mourante est en train de jouir, Guyasti, clairement. Oui, c'est une jouissance, comment dire, comme on peut voir chez Thérèse d'Avila ou des choses comme ça. C'est-à-dire que à ce moment-là, Brian De Palma contrevient littéralement au roman, puisque elle tue sa mère dans le roman en lui faisant arrêter les battements de son cœur. Donc ce n'est pas très cinématographique. Et lui, il va refaire, il va reproduire la crucifixion, mais de Saint-Sébastien, c'est-à-dire avec plein plein d'armes qui se plantent sur elle, et elle a ce cri, et qui est absolument un cri ambigu de jouissance, et vous a, on a entendu cette façon de mêler à la fois le discours religieux, ce geste de mère maternelle, et en même temps elle a un couteau à la main. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une perversion généralisée à ce moment-là, qui fait que encore une fois, cette idée du rétablissement ne peut pas se faire. On est véritablement dans un monde sorti de ses gonds. Hein, ouais. Out of John, on dirait dans Hamlet, hein, je crois. Ouais, donc il y a vraiment cette dimension là d'une violence qui est une violence qui vient de très loin, du sacré, hein, d'une certaine façon, qui fait que là Carrie, qui était déjà un bouc émissaire, on n'est pas loin de Girard, hein, va devenir la victime qui doit être sacrifiée. Et évidemment, ça ne va pas aboutir. Mais ça va avoir un retentissement énorme. Je ne sais pas si on peut parler de la fin du coup. Bah, allez-y, hein, il reste quelques minutes. Voilà, du coup, avec l'autre image de la mère. Parce que là, on avait cette image quasiment de Pietà, pervertie, où elle a sa fille dans ses bras. Mais souvenez-vous, le film nous a laissé sur ce fameux jumpscare. L'un des premiers, je pense, où le jumpscare, c'est l'idée que d'une scène qui est soudaine, inattendue, avec le surgissement depuis la tombe de la main. Qui fait qu'on saute, jumpscare, voilà, saute de peur. Exactement. Et donc là, on a la maison va brûler, elle est réduite en cendres. Il y a une croix, ouais. Et Sue va venir rendre visite à cette croix, et là, on voit une main qui s'empare de son corps. Et on était dans un régime d'image déjà un peu étonnant, puisqu'elle marchait d'une drôle de façon, et si vous regardez bien l'écran, derrière elle, il y a une voiture qui passe, mais elle passe à l'envers. En fait, Brian De Palma avait fait déjà en sorte que, à l'image, le monde n'était plus dans l'ordre. C'était désordonné. Donc c'était l'idée simplement de nous dire qu'on est peut-être dans le cauchemar dessous. Oui, mais il y a ce moment du jumpscare, mais pour moi, l'image la plus terrible qui ne figure pas dans le roman et que je trouve très belle dans le film, c'est le moment où la mère rentre dans la chambre de sa fille, Sue, qui est en train de crier, qui sort de son cauchemar. Elle l'enlève là aussi, presque dans la même position, ouais, que Margaret White avec sa fille Carrie, et elle ne peut pas apaiser sa fille, elle est complètement démunie, on la voit, et le mal ne peut pas être extrait de cet intérieur américain, états-unien. Le mal est fiché littéralement dans cette famille, et on n'en sortira pas. Et il y a un très beau texte de Nicole Brenez dans De la figure en général et du corps en particulier, où elle fait une étude visuelle de Carrie, et elle dit la beauté du film, c'est qu'il n'y a plus d'extériorité, tout est intimité. Et à mon avis, c'est ça. C'est qu'on est dans une intimité étroite avec le mal, et on ne pourra pas s'en sortir parce que le mal s'est fiché en nous. Et c'est le propre de l'imaginaire de King. Quels que soient les livres qu'il fait, et actuellement, je trouve qu'il est très en forme dans ses derniers, il dit une chose, notamment dans L'Outsider, qui est un livre effarant, très, très noir, très sombre, où on met à mort des enfants. 2018, hein, L'Outsider. Voilà. Ouais. On viole des enfants, c'est King, il est mu par quelque chose, c'est l'extrême facilité qu'a le mal à se régénérer. C'est quelque chose qu'il explore, qu'il exploite. Parfois, pour lui, ça peut croiser des figures politiques, notamment Trump. Mais cette idée que oui, on ne s'en sortira jamais parce que le mal a une faculté tout à fait incroyable de se régénérer. Et ben, ça me semble une excellente conclusion, Biastic. Merci à vous, même si c'est une conclusion pessimiste. On continuera demain, on parlera de Dead Zone demain. Alors on verra comment le pessimisme n'a pas forcément raison d'ailleurs. Il y a peut-être une possibilité de s'en sortir. On verra ça demain, ce sera avec Olivia Chevalier. Merci infiniment, Guéastique, d'être Merci venu ce vous. Matin nous parler de Carrie. Je rappelle que vous êtes directeur des éditions Rouge Profond. On retrouve le sang, hein. J'imagine oui, qu'il y a un clin d'œil direct. Profondo Rosso de Dario Argento. Ouais, bon, en tout cas, la métaphore est filée. Et on mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie votre bibliographie. On se quitte, bah, c'est la playlist de Stephen King hein, cette semaine, et donc aujourd'hui, ACDC. Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to give me some kicks. Now I want you ladies, I I shoot from the hip. I was born with a stiff, stiff upper lip. Like a dog in a hell. Chanson d'ACDC, quand même Stephen King, et vous me disiez à l'instant, Guyastic, que Stephen King l'avait utilisé dans le seul film qu'il a réalisé et qui n'est pas ce qu'il a fait de mieux, on va le dire. Oui, Maximum Overdrive. Non, c'est oubliable. Et ben voilà, ça c'est pour la filmographie de Stephen King. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir l'inoubliable Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle, quelle voix étrange ce chanteur. N'est-ce pas votre question ce matin est la suivante, qu'est-ce qu'un nom propre ? Eh bien, on connaît la réponse canonique de Kripke, un nom propre c'est un désignateur rigide, c'est ce qui différencie Neil Armstrong du premier homme à avoir marché sur la Lune. Neil Armstrong aurait pu attraper la grippe et ne jamais décoller, mais le premier homme à avoir marché sur la Lune, lui, avec des guillemets, des tirets, des italiques, tout ce qu'on veut, ce que le logicien Frege appelait une description définie, celui-ci a nécessairement le premier marché sur la Lune. On sait aussi que la prouesse philosophique de Kripke aura été de retraduire ce débat presque aussi vieux que la philosophie, dans le langage nouveau des mondes possibles, un débat qui s'énonce ainsi, un individu est-il réductible à un ensemble de descriptions définies, ou bien possède-t-il, comme dans je ne sais plus quelle tradition mystique, un nom secret connu de Dieu seul ? C'est l'une des deux ou trois grandes questions de la métaphysique, bien plus profonde encore que celle de l'identité personnelle, et le voyage que doit entreprendre celui qui voudra y répondre vaut largement celui de Neil Armstrong autour de la Lune. Ah oui, rien que ça. Et oui, en fait, je le sais parce que j'ai moi-même essayé, un peu en amateur, de faire ce voyage en commençant une thèse de philosophie, hélas, trop vite interrompue. Je suis resté sur place et n'ai rien écrit, seulement un peu lu, mais j'ai eu le temps de voir les plans de la fusée, et c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Un étage entier était ainsi consacré, par exemple, à la philosophie médiévale, spécialement à Duns Scott, celui qui a soutenu le plus fermement qu'il existait des propriétés dites aesthétiques, du latin aec, ceci, qui faisait qu'un individu était spécialement lui-même, ce qui consistait à introduire dans le bestiaire philosophique des universaux, ce qui devait être aussi des particuliers, et je crois même qu'il existe en Angleterre ou en Suisse un métaphysicien du nom de Kevin Mulligan qui les appelle des tropes et qui en a fait la base de son ontologie. Plus traditionnelle est sans doute la théorie de Russell qui tient, avec presque tous les réalistes scientifiques qui l'ont suivi, les individus pour de simples faisceaux coalisés de propriétés. Coalisés, des faisceaux coalisés, mais par quoi ? Bah, excellente question, par l'espace, le temps ou le hasard. On entend presque l'objection de Wittgenstein qui juge cela insuffisant sans réussir à produire de meilleurs arguments que de fermer son poing avec une rage contenue. On est aussi surpris de se souvenir du chemin périlleux qu'a emprunté Leibniz pour sauver les individus sans rien sacrifier des universaux. Leibniz comme conciliateur né qui voulut, par exemple, guérir l'Europe du schisme de la réforme. Certes, sans différence de propriété, deux individus ne peuvent être qu'identiques. C'est ce qu'on appelle le principe d'identité des indiscernables. Mais en même temps, le point de vue d'une monade sur le reste de l'univers qu'elle contient ou contemple est absolument particulier. Et il faudrait aussi évoquer Benjamin, Quine ou Whitehead. Et la question du nom se retrouve rapatriée ainsi dans l'histoire de la philosophie. Faut-il envisager celle-ci comme une succession de noms propres ou comme un jeu de concepts impersonnels ? Le name-dropping est-il une facilité ou une façon d'approfondir l'histoire de la philosophie ? Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un nom propre ? Eh bien, le nom propre, ce serait une manière de structurer l'histoire de la philosophie, c'est ça, d'incarner des concepts. Bah précisément, oui, de passer de la tentation monocorde du récit atomiste à l'ambition du récit romanesque. L'histoire de la philosophie, c'est un fait, est pleine de personnages, et c'est peut-être en cela qu'elle est une histoire, et celui qui a su le mieux considérer l'histoire de la philosophie comme une intrigue romanesque, c'est Borges. Et plutôt que de le lire comme un essayiste, un novelliste ou un poète, j'ai tendance à considérer son œuvre comme un seul roman, l'un des meilleurs du XXe siècle, un roman dont les personnages seraient presque exclusivement des philosophes. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions autour de Stephen King. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Dalia. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série Anatomie de l'horreur à l'écran. Demain, eh bien, on parlera de Dead Zone, le film de Cronenberg. On se demandera si le pire est toujours à venir en compagnie d'Olivia Chevalier. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct ou en podcast. En téléchargement, comme ça, vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez, c'est mieux d'ailleurs quand on parle de films d'horreur. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de vous y retrouver et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.